a-t-il là-haut dans l'espace à côté de chez nous? Le système solaire, inclus dans le bras d'Orion de notre galaxie, la Voie lactée, est même incluse dans ce qu'on appelle le groupe local, soit un groupe d'une soixantaine de galaxies. Mais à côté de ça, eh bien à côté, il n'y a rien, ou plutôt il y a moins. Ces moins, ces zones de l'espace dans lesquelles la densité de matière est moindre, ce sont les vides cosmiques. Ils sont essentiels au grand balai stellaire et servent de repoussoir au groupe galactique. Le nôtre s'appelle le vide local et il contribue à nous propulser dans l'univers à la vitesse de 630 km seconde, soit environ 2 millions de km heure. Cosmos, les métamorphoses du vide, c'est le programme bien rempli qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces vides cosmiques, leur structure, leur dimension, leur origine et leur rôle à l'échelle de l'univers, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Escoffier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cosmologiste, directrice de recherche CNRS au Centre de physique des particules de Marseille et Daniel Pomaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA de Saclay. Mais avant bien de plonger dans la froideur du cosmos, nous restons quelques minutes sur Terre. Pour faire, en l'occurrence, un point scientifique sur l'état de nos connaissances sur le coronavirus dont on parle tant, pour un journal des sciences spécial aujourd'hui avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et l'Organisation mondiale de la santé vient donc de déclarer que ce coronavirus de Wuhan représentait une menace élevée à l'international. On fait donc, Natacha, le point scientifique sur cette épidémie. Une menace élevée, ça ne veut pas dire que c'est une urgence de santé publique de portée internationale. À ce jour, on compte 4 474 infections dans 18 pays différents et 107 morts. Le coronavirus est beaucoup moins mortel que le SRAS, son taux de mortalité est de 3%. Le SRAS, lui, s'est élevé à 9%. Mais il semblerait que ce virus soit plus contagieux qu'on ne pensait. Selon une pré-publication parue sur BioArchive par les chercheurs de l'université de Hong Kong, la contagiosité du virus a été sous-estimée. Il serait plus contagieux que le SRAS. Par ailleurs, le ministre de la Santé chinois a déclaré que la capacité de propagation du virus s'est renforcée. Alors pour le moment, difficile de modéliser et de prédire l'expansion de l'épidémie sans un certain nombre de données. Éclairage avec Anne Goffard, virologue à l'université de Lille et médecin au CHU de Lille. Ça veut dire que le virus se transmet probablement mieux qu'au début de l'épidémie de manière interhumaine. C'est-à-dire que il se serait mieux adapté aux humains et il diffuse plus facilement parmi les humains. C'est des estimations qui sont faites par les scientifiques à partir du nombre de personnes infectées. Par exemple, on va calculer ce qu'on appelle le R0, qui est le taux d'attaque du virus. Pour l'instant, les estimations, c'est entre 1,5, c'est-à-dire une personne infectée infecterait une personne et demie. Et il y en a qui vont à dire jusqu'à 5 personnes. Et là, 5 personnes, c'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'une personne infectée en infecte 5 autres. Un facteur qui peut influencer ces résultats, c'est est-ce qu'une personne est contagieuse avant d'avoir développé des signes cliniques? Et il semblerait que pour ce coronavirus-là, ce soit le cas. Encore une fois, là, je parle avec des pincettes parce que ça doit être confirmé. Pour l'instant, on n'a pas confirmation de cette notion-là par les autorités. Oui, une des autres difficultés, c'est que nous savons quand les cas sont signalés, mais nous ne savons pas quand est-ce que les gens tombent malades, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, on ne connaît pas la période d'incubation, c'est-à-dire le temps, le nombre de jours, en général, c'est plutôt en jours, entre le moment où la personne contracte le virus, s'infecte, et le moment où elle développe des signes cliniques. Donc ce délai d'incubation, on ne le connaît pas. Et par ailleurs, voilà, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si une personne qui est en incubation, donc qui a le virus mais qui n'a pas encore de signes cliniques, est-ce qu'il peut déjà être contagieux? Ça, on ne le sait pas. Voilà les liens, comme toujours, et en l'occurrence peut-être plus aujourd'hui que jamais, vous pouvez les retrouver, les liens vers les études, la publication, la pré-publication sur BioArchive, on met les liens vers les études originelles sur le fil Twitter de l'émission, @laméthodefc, fil que vous pouvez retrouver après, plus tard, sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Et on voit, Natacha, sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, de nombreuses fausses informations sur ce coronavirus. Et notamment des théories complotistes. On peut lire que ce virus aurait été créé dans les laboratoires américains. On voit même circuler un des brevets liés à un coronavirus vieux de quelques années. Alors non, non, non et non. Ces brevets concernent des virus qui ne sont ni de la même famille, ni de la même souche. On voit par exemple un brevet qui date de 2015. Celui-ci concerne le virus de la bronchite infectieuse aviaire. De plus, si on ne connaît pas sa provenance exacte, on sait que le coronavirus est d'origine animale et naturelle. Et d'ailleurs, dans ce sens, les autorités américaines renforcent leur législation sur les expérimentations sur les virus dangereux. Mais pour leurs travaux, les chercheurs doivent parfois potentialiser un virus, c'est-à-dire le rendre plus dangereux, afin de mieux se préparer aux pandémies. Selon la revue Nature, les États-Unis s'apprêtent à revoir les règles de communication et de divulgation des expériences sur les maladies à risque. Les chercheurs appellent à une plus grande transparence autour de ces expériences. Reste à savoir jusqu'à quel point il est possible de communiquer sur ces recherches aux contenus sensibles. Et puis, pour conclure, on fait un point sur la situation en France. Et en France, c'est assez simple. Il n'y a pas d'épidémie. Depuis dimanche, les 6 nouveaux cas suspects de retour de Chine sont toujours confinés et attendent les résultats de leurs tests. Et aucun nouveau cas de contamination n'a été déclaré depuis. Le gouvernement a mis en place à l'aéroport de Roissy une équipe médicale d'accueil. Et d'autre part, un premier rapatriement de Français est prévu ce jeudi, avec un vol pour les citoyens asymptomatiques et un second réservé à ceux présentant des symptômes. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour un journal des sciences. On suivra évidemment l'évolution des publications et des informations autour de ce coronavirus, mais on parlera également du reste de l'actualité scientifique et de la recherche, comme chaque jour. À demain. Si vous suivez nos émissions de cosmologie depuis quelques temps maintenant, puisque nous en sommes à nos 4e saison, vous avez certainement entendu dire à ce micro et dans votre poste à plusieurs reprises que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire que l'on regarde, on trouve à de faibles variations près les mêmes concentrations de matière et d'énergie qui répondent aux mêmes lois physiques. Ce n'est certes pas aujourd'hui que nous allons vous dire le contraire. L'univers tel que l'on observe est bien homogène et isotrope, mais à grande échelle. Parce que quand on y regarde de plus près, il est composé de grandes structures qui sont, elles, inhomogènes. Nous l'avions évoqué lors d'un entretien avec Hélène Courtois, dont on va vous remettre évidemment le lien sur le fil de Twitter. Nous allons zoomer un peu dans ces superstructures au niveau du groupe local, c'est-à-dire juste à côté de ce groupe, eh bien, auquel la Voie lactée appartient, ainsi qu'une soixantaine d'autres galaxies. À côté donc de ce groupe local se situe un espace appelé vide local. C'est une zone de sous-densité dont vous et votre équipe avez publié une cosmographie l'an dernier, Daniel Pomaret, dans The Astrophysical Journal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vide local exactement ? Alors, peut-être pour commencer le côté historique, il a été découvert en 1987 par Brent Tully, qui est astronome à l'Université d'Hawaï. Et donc, cette découverte faisait partie de son atlas des galaxies proches. Et c'est resté quelque chose, un domaine où il n'y a pas eu beaucoup de progrès depuis. Car en fait, il y a une difficulté majeure qui se présente. C'est que l'essentiel de ce vide se trouve situé dans une zone qui ne nous est pas accessible directement. En effet, c'est dû au fait que le système solaire en fait est immergé dans un disque de poussière de centaines de milliards d'étoiles qui constitue notre galaxie, la Voie lactée. Et donc ça, ce disque de poussière cache une région très significative du ciel. Et il se trouve que ce vide local se trouve à cheval sur cette région obscurcie. Et c'est seulement il y a depuis quelques années qu'on commence à faire des progrès sur cette question du vide local. Alors, ceci grâce à une méthode scientifique basée sur l'utilisation de vitesses particulières des galaxies. Alors, les galaxies sont soumises à deux phénomènes opposés. Et d'ailleurs, ce sont ces deux phénomènes qui vont structurer l'univers et conduire à la formation des structures dont on va discuter aujourd'hui. Alors, ces deux phénomènes sont l'expansion, qui est héritée du Big Bang, et l'attraction gravitationnelle, donc qui joue dans l'autre sens, les structures ayant tendance à s'effondrer les unes sur les autres. Et donc, en utilisant cette propriété d'attraction gravitationnelle qu'ont les galaxies les unes par rapport aux autres, il nous suffit de prendre quelques galaxies. Alors, en pratique, on a des catalogues de quelques dizaines de milliers aujourd'hui de galaxies, pour lesquelles on dispose d'une mesure de la distance et de la vitesse. Alors, c'est la vitesse, c'est une composante de la vitesse seulement. C'est la composante de la vitesse le long d'une ligne de visée. Et à partir de là, on a des algorithmes qui nous permettent de reconstruire en 3D le champ de densité qui est à l'origine de ces vitesses particulières des galaxies. Et c'est ainsi donc qu'on a accès à qu'on a pu reconstruire une cartographie en 3 dimensions de l'univers local. Et un des aspects de cette carte en 3D, c'est qu'il apparaît un vide. Effectivement, ça confirme que notre groupe local se trouve en bordure d'un immense vide d'une 60aine de mégaparsecs. Et alors, mégaparsec, on peut traduire en années-lumière à peu près. Voilà, 3,26 années-lumière pour un parsec. Et donc, quelques 200 millions d'années-lumière pour la dimension caractéristique de ce vide. Voilà. Alors, et par comparaison toujours, pour avoir des proportions, la taille de la Voie lactée, à peu près, diamétrage 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière. Donc voilà. Non, mais ça donne des mesures, 100 000 années-lumière pour la galactée, pour la Voie lactée, pardon. Tout à fait. Voilà. Et là, en l'occurrence, donc 200 millions d'années-lumière pour la taille de ce vide local. Oui, voilà. Alors, ce que nous a apporté cette étude, qui a donc été publiée en juillet 2019, alors c'est qu'en fait, on avait une vision simpliste du vide local. Alors, je voulais dire ça entre parenthèses, c'est qu'on l'appelle le vide local, c'est un peu austère comme nom. Mais j'imagine que dans l'avenir, on pourra l'appeler le vide de Tully, puisque c'est lui qui l'a découvert. Et bon, l'avenir nous le dira, mais ça sera peut-être le nom que la postérité retiendra. Et donc, le vide local, on en avait une vision relativement simple, basée sur une superposition d'ellipsoïdes. Donc, quelque chose d'un peu plus compliqué qu'une simple sphère. Donc, quelques ellipsoïdes placées les unes contre les autres. Là, vous parlez de sa structure, hein, de la forme qu'il peut avoir. De sa forme en 3D, voilà. Voilà. Alors, ce que cette étude nous révèle, hein, là, je peux vous donner un peu plus de détails sur la méthode scientifique qu'on a appliquée. Donc, ce qu'on regarde, ce sont des surfaces en 3 dimensions, ce qu'on appelle des isosurfaces, qui nous montrent les régions de l'univers qui sont à une certaine valeur de densité. C'est-à-dire, ce sont des surfaces de quoi, précisément ? De la densité, d'accord. Du champ de densité. Okay, très bien. Donc, pour faire une analogie pour les auditeurs, par exemple, vous pourriez faire l'analogie avec le champ de température dans une pièce. Vous pouvez regarder la température dans une pièce, elle vaut typiquement 21 degrés. Mais si vous vous approchez d'une source de chaleur, par exemple, s'il y a un radiateur au centre de la pièce, ça sera autour, vous pourrez avoir des chaleurs de 22, 23, 24 degrés. Et vous pouvez construire comme ça une surface fermée autour du radiateur. Et idem, si vous allez vers une fenêtre et qu'il fait froid, vous pouvez avoir des températures de 18 degrés. Bien vous sûr. Pouvez construire comme ça une surface autour de la fenêtre. Donc ça permet de reconstruire une géométrie en 3 dimensions. Et on a la même chose pour le champ de densité dans l'univers. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde donc des surfaces à des valeurs arbitraires. Par exemple, l'univers a une certaine densité moyenne. Et on regarde quelles sont les surfaces qui sont à 10% de moins que la densité moyenne, ou à 20%, ou à 30%, etc. Et ça révèle des structures assez complexes, qui s'éloignent significativement de ces modèles simples avec des sphères ou avec des ellipsoïdes. Et donc, on voit des formes alors qui sont assez difficiles à décrire oralement. Je peux peut-être essayer. Mais... Vous pouvez essayer, oui. Puis on va compléter ça en postant ces cartes en 3 dimensions sur le fil Twitter pour que les auditeurs qui nous suivent puissent éventuellement joindre très l'image bien. À la description que vous allez faire à l'instant. Mais alors pour les auditeurs purs, donc ceux qui sont au volant par exemple, qui peuvent pas regarder leur écran, moi j'ai pensé une analogie, c'est par exemple vous prenez votre main. Vous la glissez dans un gant de boxe, voilà. Donc vous la tenez verticalement, la paume orientée vers vous. Vous recroquevillez un peu vos doigts, et donc vous allez avoir la partie supérieure comme ça qui représente la partie essentielle du vide local. Et le vide s'entoure en quelque sorte autour de votre paume et laisse passer un filament. Donc ce filament, c'est un filament qui lie entre eux. Deux acteurs importants de notre cosmographie, qui sont le grand attracteur d'un côté, qui est au cœur de notre super amas de galaxies, la Niakea. Absolument, qui a été décrit par Hélène Courtois, et on reviendra sur toutes ces notions-là. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent, mais on reprendra les choses un par un, et on reparlera du grand attracteur dans un instant. Oui. Mais je vous laisse continuer, Daniel. Il y avait une émission spéciale, effectivement, en décembre 2018. Ah, bon, quelle mémoire là-dessus. Et qu'on vient de reposter sur le fil Twitter une fois de plus. Exactement. Alors, donc, vous reprenez votre gant, comme ça, vous le regardez de face. À droite, vous avez le grand attracteur et la Niakea. À gauche, vous avez le super amas voisin, le super amas de Persée-Poisson. Et le vide local est en quelque sorte coincé entre ces deux grands super amas de galaxies. Et ce qu'on a cartographié aussi, c'est que le vide local est en quelque sorte cloisonné par 3 filaments qui rejoignent les cœurs des deux superamas. Donc, il y a un premier superamas que vous pouvez imaginer passant à travers votre paume. Donc, c'est le filament qui relie l'amas du Centaure à l'amas de la Vierge. L'amas de la Vierge, donc, est l'amas de galaxie le plus proche. Le plus proche de nous. Le plus proche de nous. Et qui aboutit d'un autre côté à l'amas de Persée. Ça, c'est le premier filament. Le deuxième filament, vous pouvez l'imaginer, qui passe au-dessus de vos doigts, dans la partie supérieure du gant. Ça, c'est un filament qu'on appelle l'arche, parce que justement, il a une forme d'arche qui se pose sur le, comme un couvercle sur le vide local. Et il y a un troisième filament qui passe à basse altitude sous le vide local et qui relie par un autre chemin le grand attracteur et l'amas de Persée. Et je vais renvoyer les auditeurs également à l'émission qu'Antoine Beauchamp, puisque c'était au mois de décembre dernier, avait consacré justement à ces filaments cosmiques qui, entre Hélène Courtois, les filaments cosmiques et notre émission du jour, forment une belle tétralogie pour comprendre les grandes superstructures de l'univers. Je vais me retourner vers Stéphanie Escoffier. Alors, ça c'est pour le vide local, évidemment, on y reviendra, mais quand on parle de vide cosmique, c'est évidemment une extrapolation, parce que ce ne sont pas des zones de vide à proprement parler. Quel est le lien, quels sont les rapports qu'il peut y avoir entre les zones de densité cosmique que sont les amas et les zones de vide cosmique? Oui, effectivement, les vides cosmiques, il y a beaucoup de définitions de vide. En fait, on dépend un peu de l'algorithme qu'on utilise pour définir ces objets. Mais globalement, ce sont des régions qui sont sous-denses en matière. Donc, ce ne sont pas des régions, les vides cosmiques ne sont pas vides, en fait il y a quelques galaxies dedans, mais on est sur des densités typiquement de 1 dixième de la densité moyenne de l'univers. Et par contre, en fait, ces murs vont avoir ce qui va caractériser ces vides, c'est d'avoir un mur qui va vraiment qui va délimiter leur surface, enfin, ou leur volume. Et ces murs, typiquement, on va les retrouver sur les filaments ou les amas de galaxies. Et donc, les vides cosmiques vont... on estime aujourd'hui, enfin, il y a eu beaucoup de... On estime aujourd'hui qu'à peu près le volume de l'univers serait composé à 80% de vide. Donc c'est vraiment, on est rempli de vide en fait. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h17, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. L'univers est rempli de vide, comme vient de le dire l'une de nos deux invités, Stéphanie Escoffier, Daniel Pomared, et notre autre invité, pour parler effectivement de ces vides cosmiques qui composent la majeure partie de l'univers, qui sont ces zones non pas entièrement vides, mais de sous-densité. Daniel Pomared, justement, à partir de quand on commence à les trouver, à les découvrir, ces vides? Parce que on peut imaginer que aujourd'hui vous nous avez décrit une partie de l'instrumentation et de la modélisation et des algorithmes qui permettent de comprendre et de formaliser ces vides, mais avant ça, voir le vide avec des instruments antiques, c'est bien compliqué. Quand est-ce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des zones dans les superstructures qui sont nettement plus faibles, un dixième en densité, que d'autres? Alors, il y a une publication historiquement, donc en 1981, c'était la découverte d'un vide d'un million de mégaparsecs cubes dans la constellation du Bouvier par l'équipe de Bob Kirchner, Paul Schechter et compagnie. Le vide du Bouvier. Le vide du Bouvier. Le vide voilà. De Boötes. Void. Voilà. Je sais pas très bien comment on le prononce parce qu'il y a un tréma sur un O. Bon, bref. Voilà. Donc c'était pas de la 3D à l'époque, c'était de la 1D. Ils avaient un survey de 133 galaxies. Et ils se sont rendus compte qu'à un certain redshift, à une certaine distance... Alors redshift, c'est le décalage vers le rouge. Le décalage vers le rouge, qui est un indicateur de la distance dans notre compte tenu de l'extension de l'univers. Oui. Et donc, sur un histogramme à une dimension, donc on a vu qu'il y avait une région complètement vide où il n'y avait aucune galaxie. On pouvait en déduire la présence de ce vide. Et aujourd'hui, bon, on sait que c'est un vide qui se trouve... Alors, il y a un acteur qui est très connu dans la cosmographie, c'est le Grand Mur, le Great Wall, qui a été découvert par Valérie Delaparent et John Ukra en 86. Et ce vide du Bouvier se trouve derrière le Grand Mur et en avant d'un autre mur qui est le Grand Mur de Sloan. Voilà. Stéphanie Escoffier, ce vide du Bouvier, effectivement, c'est le premier vide historique, ce vide de Boots. 1 million de mégaparsecs, c'est un vide considérable. Redonnez-nous, parce que évidemment, quand on manipule, vous savez, le biais de mauvaise compréhension des grands chiffres que l'on peut avoir, c'est vraiment très, très, très, très grand, c'est des très grandes régions. Donnez-nous un peu des éléments de comparaison. Non, je dirais que c'est petit, en fait. Voilà, c'est bien pour ça que je voulais vous y amener. Ouais, on est sur 1 million de mégaparsecs cubes, hein, donc c'est, on est sur un volume, donc évidemment, si on divise par, si on prend la racine cubique, ça fait des distances petites. Mais c'est très grand quand même à l'échelle de l'univers. Voilà, on est sur des distances beaucoup plus grandes. Typiquement les vides, enfin les objets vides qu'on appelle les vides cosmiques, c'est typiquement des distances entre 15 et 150 mégaparsecs. Donc c'est-à-dire entre 50 et 500 millions d'années-lumière en diamètre, quoi. En sachant que la galaxie la plus proche, elle est à 1 mégaparsec. Voilà, donc on est sur des objets qui font 10 à 100 fois plus que la distance de la plus proche galaxie à nous, quoi. Et quel est le point commun? Alors ensuite, quel est le point commun entre ces différents vides cosmiques? Est-ce qu'ils sont tous structurés de la même façon? Est-ce que ce sont des structures différentes? Est-ce qu'ils ont tous la même sous-densité? Est-ce que là aussi c'est une moyenne? Comment est-ce que parce qu'aujourd'hui on en a répertorié combien? Des centaines, des dizaines de milliers peut-être? Oui, on est sur pas des dizaines de milliers, je vais peut-être un peu trop vite, mais non, des milliers en tout cas. On est sur des milliers avec le sondage Sloan, la SDSS, donc Sloan Digital Sky Survey. Donc c'est le relevé qui s'arrête là, mais qui a duré pendant 10 ans et qui a relevé à peu près 1,5 million de galaxies. On est à peu près, on a 3000 vides, entre 3000 et 5000 vides selon l'algorithme qu'on va utiliser pour les reconstruire. Donc ces vides-là, moi j'adopte une approche statistique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir plein de vides pour pouvoir faire des études donc sur leur forme, leur abondance ou d'autres effets, mais je ne vais pas regarder les vides un par un. Mais par contre, oui, ils ont chacun n'importe quelle forme. Il n'y a pas de. Par contre, ils ont tous une densité à peu près de 1/10 ou 1/5 ou 1/20, et ils sont tous caractérisés par ce. Donc le mur, c'est simplement qu'il y a un excès de densité de 20% supplémentaire par rapport à la densité moyenne. D'accord. Voilà. C'est le mur qui délimite ces vides cosmiques. Et si on superpose, si on prend le profil des vides, qu'on les moyenne, on retrouve effectivement ce creux au centre du vide, cette sous-densité et ce mur, c'est-à-dire cet excès de densité à la frontière du vide. Et après, on revient sur la densité moyenne de l'univers. Ce qui est intéressant, Daniel Pomarède, quand on commence à s'intéresser à ces vides cosmiques, c'est qu'en fait, ils sont absolument nécessaires pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les mouvements imprimés par ces superstructures. Oui, alors absolument. Ça, c'est ce qui ressort de nos publications de ces dernières années. C'est qu'il faut absolument prendre en compte l'influence des vides pour comprendre... Alors c'est une des plus grandes questions de la cosmologie depuis les années 60, c'est comprendre le mouvement de notre Voie lactée dans l'univers. Donc notre Voie lactée et plus largement le groupe local auquel elle appartient se déplace dans l'univers à une vitesse extraordinaire de 630 km par seconde. Ce que je le disais, ce qui fait 2 millions de kilomètres heure. Exactement. Ce qui paraît énorme, mais évidemment c'est une vitesse relativiste, donc en fait ça n'a pas de sens de le dire comme ça. Oui. Il en demeure pas moins que l'histoire des sciences, l'histoire de la physique nous a appris qu'il fallait toujours essayer de comprendre les mouvements des corps célestes. Et là, depuis les années 60, 70, la communauté est mobilisée pour comprendre ce mouvement dans son entièreté. Alors, dans les années 80, il y a eu la découverte du grand attracteur, donc une concentration de masse très importante autour de l'amas du Centaure qui contribue pour une fraction importante à ce mouvement. Alors peut-être qu'on peut rester un instant sur ce grand attracteur, effectivement, hein, parce que dans les superstructures autour du groupe local, c'est l'un des pôles justement qui, avec le vide local, va imprimer justement du mouvement une vitesse à ce groupe local. Exactement. Galaxies. Alors le groupe local se trouve à peu près à mi-chemin entre ces deux superamas de galaxies dont je parlais, l'Aniakea et le superamas de Persée-Poisson. Mais l'Aniakea et le grand attracteur l'emportent largement en nombre d'amas de galaxies qu'il contient dans son cœur. Et donc c'est le grand attracteur qui l'emporte, qui est aussi supplémenté par une structure encore plus lointaine qu'on appelle le superamas de Chapelet, dont la contribution a été découverte vers la fin des années 80 également. Mais alors depuis ces années 80-90, il y avait eu peu d'avancées dans le domaine. Et on a fait une avancée très importante en 2017, avec la découverte de l'influence d'un vide qui était passé inaperçu jusqu'à présent, qui se trouve dans une sorte de terra incognita du cosmos, car se trouvant en bordure de la zone d'obscuration dont on a parlé plus tôt, la zone d'obscuration pour laquelle on n'a pas de mesure directe, et qui se trouve dans une région qui est un peu à la jointure du ciel observé par les télescopes de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. Donc une zone très mal connue. Et ce qu'on a découvert grâce à l'étude de des vitesses particulières des galaxies, c'est qu'il y avait un vide très important qui se cachait là, et que ce vide, en se vidant, influençait notre mouvement, en quelque sorte en nous poussant. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui se passe exactement comment sont déterminés ces mouvements, cette accélération du groupe local de la galaxie, entre d'une part des zones de surdensité que sont le grand attracteur, et d'autre part des zones de sous-densité que constitue le vide local? Alors il ne faut pas se tromper, il y a une seule chose qui fonctionne, c'est la gravitation. Donc c'est la gravitation qui est à l'origine de tout, mais quand même, quand on étudie les forces en physique, ce qui est important, ce sont les forces résultantes. Et ce qui se passe pour une galaxie quand elle est à proximité d'un vide, c'est que le vecteur qui matérialise la force résultante, va se trouver être anti-aligné avec le centre du vide. Et donc pour une galaxie qui se trouve en bordure d'un vide, et même plus qu'une galaxie, un amas de galaxies, toute une structure, tout le Cosmic Web peut être influencé par la présence d'un vide géant, tel que ce vide qu'on a baptisé le répulseur du dipôle, le dipôle repeller. C'est ça. C'est-à-dire que les forces de répulsion sont évidemment plus fortes en bordure que quand on en est éloigné. Et attention, vraiment, il faut être très prudent. Bien sûr. C'est des forces résultantes. On n'invoque pas du tout de nouvelles forces répulsives ou quoi que ce soit. C'est du modèle standard de la cosmologie. Ça, c'est pour notre superstructure, pour notre voisinage direct. Stéphanie Escoffier, comment s'organise justement, à des échelles sur l'ensemble statistique que vous étudiez, ces vides, ces ensembles entre pôles de surdensité, pôles de sous-densité, tout ça, en fait, imprime des mouvements, donne une cartographie finalement mouvante de l'univers? Oui, effectivement, ça nous permet. Alors, on n'est pas. Le problème quand on observe l'univers à beaucoup plus loin. Donc, moi, j'observe l'univers à des redshifts entre 0,5 et 1 ou voire 2. Donc, c'est le décalage vers le rouge. C'est le décalage vers le rouge. Donc, c'est simplement. Donc, ça correspond à des âges de entre 3 et 10 milliards d'années au-delà de nous, en sachant que l'univers a 14 milliards d'années. Et donc on va mesurer ce redshift, donc ce décalage vers le rouge. Mais par contre, on n'est pas capable, comme dans l'univers proche avec l'équipe de Daniel Pomared, on n'est pas capable de mesurer par ailleurs une autre mesure de distance. Et donc on n'est pas capable de remonter aux vitesses particulières de nos galaxies et de nos vides. Donc du coup, on va utiliser des modèles. Et ce sont ces modèles qui... Alors, il faut savoir aussi que comme on est à très haut de redshift, du coup, la contribution des vitesses propres, elle est petite sur la contribution du redshift cosmologique dû à l'expansion de l'univers. Donc, c'est une petite contribution. Mais aux petites échelles, on a un effet. Donc, c'est modélisé par une théorie non linéaire. Mais on peut, dans certains cas, faire en sorte qu'on est dans des... On peut l'approximer avec une théorie linéaire. Et donc, du coup, on peut modéliser nos vides. Donc, c'est ce qu'on appelle la dynamique des vides. Donc, les vides, ils sont vraiment définis à partir des galaxies. Et en fait, avec cette modélisation, on est capable de prendre en compte la vitesse des galaxies qui constituent notre vide et donc d'en déduire effectivement une certaine dynamique de nos vides. Et cette dynamique va nous permettre de contraindre la façon dont les structures se forment et donc va nous donner un moyen de tester si la relativité générale est valable ou pas. Et ce qui est aussi assez passionnant, et ce que vous évoquiez tout à l'heure, Daniel Pomared, c'est que évidemment tout cela est sur des environnements hautement dynamiques, et comme vous le disiez, il y a des filaments qui lient en fait les amas les uns avec les autres. Les vides ont tendance à se vider, c'est-à-dire que plus un vide évolue dans le temps, plus il se vide, et au contraire, plus les amas et les zones de surdensité évoluent dans le temps et plus elles deviennent de plus en plus denses. Oui, exactement. Oui. Et donc pour en revenir à ce répulseur du dipôle, donc pour préciser ce que vous venez de dire, on obtient une contribution typiquement de 10% des 630 km par seconde qu'on recherche. D'accord. Donc ce sont des... Alors que l'objet en question, le vide en question, se trouve à quelques 200 mégaparsecs. Et Ensuite, tous les vides et toutes les surdensités qui nous entourent agissent plus ou moins. Et ce qu'on a montré aussi dans ce papier, c'est que dans cet article de juillet dernier, c'est que le vide local contribue également à notre dynamique. Alors, comme je vous l'expliquais, ce vide local a une forme complexe. Elle dépend du niveau de sous-densité qu'on veut visualiser en trois dimensions. Si vous allez chercher des sous-densités extrêmes, vous visualisez la présence de minimum. Et l'endroit le plus vide à l'intérieur du vide local, la sous-densité la plus extrême, elle est atteinte en un point qui est anti-aligné avec notre mouvement. Et on peut en déduire qu'il y a certainement une contribution à notre mouvement. Et effectivement, comme ce vide est très proche, il contribue très fortement à hauteur de quelques 200 km par seconde à notre mouvement dans l'univers. On va continuer à parler de ces vides locaux, de ces cosmographies dynamiques de l'univers à l'échelle locale et puis à l'échelle plus vaste de l'ensemble de l'univers, peut-être pour remonter loin, très loin, jusqu'au fond diffus cosmologique et comprendre comment ces vides ont pu se former. I am the Cosmos de Scarlett Johansson. Vous avez peut-être reconnu la voix légèrement éraillée et Pete Yorn sur France Culture à 16h33 puisque nous sommes, eh bien, en plein cosmos et plus précisément dans ces zones du cosmos qui sont moins denses que le reste de l'univers puisque nous parlons des vides cosmiques, hein, ces vides qui représentent, comme le disait l'une de nos invitées tout à l'heure, jusqu'à 80-90% vraisemblablement de notre univers. Nous en parlons donc avec Stéphanie Escoffier qui est cosmologiste, directrice de recherche CNRS au Centre de physique des particules particules de Marseille et Daniel Pomarède, chercheur de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA de Saclay. Dans quelques instants, on ira faire un tour à l'Institut d'astrophysique de Paris pour essayer de voir quel lien on peut établir entre ces vides et la fameuse énergie sombre, celle qui est responsable de l'expansion de l'univers. Mais avant cela, Stéphanie Escoffier, peut-être pourrait-on remonter un peu très très loin dans le redshift pour le coup, jusqu'au fond diffus cosmologique, jusqu'à un peu moins de 400 000 ans après le Big Bang, pour comprendre d'où viennent ces vides. Est-ce qu'on a une idée de leur origine? Est-ce que c'est une distribution aléatoire? Est-ce qu'on peut en trouver des traces dans le fond diffus cosmologique? Oui, donc effectivement, il y a des hypothèses comme quoi, enfin, le modèle standard de la cosmologie nous dit qu'en fait, le fond diffus cosmologique est une carte de la des fluctuations de densité de matière à 400 000 ans après le Big Bang. C'est une image après l'inflation. En fait, les surdensités de matière et les sous-densités de matière, dans le modèle cosmologique, on suppose que les surdensités de matière, c'est ce qui a donné naissance aux grandes structures de l'univers, donc aux galaxies, aux amas de galaxies, etc. Et donc, du coup, par analogie, on aimerait bien que les points froids, les sous-densités de matière, qu'on voit dans le fond diffus cosmologique, et en fait, soit à l'origine des vides cosmiques. Donc, du coup, ça, on aimerait bien, mais malheureusement, on n'a pas tout à fait d'éléments pour en être complètement sûr. Non, donc il y a des études qui ont été menées. Donc maintenant on commence à avoir depuis les années 2010, on commence à avoir des grands sondages de galaxies. Donc on a plusieurs millions de galaxies qui sont relevées en photométrie ou en spectroscopie. Et du coup, ça nous permet de plus on a de galaxies, plus en fait les galaxies sont des points pour nos sondages. Et ça va nous permettre de définir plus de vides. Et donc il y a des études qui ont été faites donc en 2014 avec OpenStar où ils ont regardé s'ils trouvaient pas un vide ou un super vide dans la direction du cold spot du CMB. Le cold spot du CMB, on va faire une traduction, c'est le point froid. Le CMB, c'est Cosmological Microwave Background, voilà, c'est ça, il manquait le B. Donc fond diffus cosmologique. Et effectivement, dans le fond diffus cosmologique, on l'a évoqué une ou deux fois dans l'émission, il y a un endroit qu'on appelle le cold spot. C'est un endroit, ce fond diffus cosmologique, il est extrêmement isotrope. La température est exactement la même à très très peu de différence près, sauf à un endroit qu'on appelle le cold spot, qui est étrangement plus froid qu'ailleurs, de quelques Kelvin à peine, c'est très très... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fond diffus cosmologique, en fait, il est très homogène. C'est ce qui montre l'homogénéité de notre univers. Il y a quand même quelques anisotropies qui sont de l'ordre de 10-5. Donc, faut faire beaucoup de soustraction pour pouvoir voir ces anisotropies. Dans cette carte d'anisotropie, on voit ces régions de surdensité de matière et de sous-densité de matière. Ce sont des régions de surdensité de matière noire. À ce moment-là, les baryons n'ont pas eu le temps de s'accumuler sur ces excès de matière. Et dans cette carte, qui est quand même assez homogène dans les anisotropies, il y a un cold spot qui effectivement, donc c'est un excès à 70 microkelvin par rapport à la moyenne du CMB. Et donc cette étude a voulu montrer, est-ce qu'il n'y a pas un super vide qu'on verrait sur cette ligne de visée entre le cold spot et nous, entre nous. Et effectivement, ils ont trouvé un super vide qui fait 2 milliards d'années-lumière de diamètre, donc c'est-à-dire c'est vraiment un très très gros vide, ça fait 550 mégaparsecs. Et donc ils ont dit oui, on a un super vide dans cette ligne de visée, ça pour expliquer, donc en fait c'est par un effet de... l'effet de Zaks-Wolff. Donc effectivement en fait l'idée c'est qu'un photon qui serait issu du fond diffus cosmologique, quand il va traverser un vide, donc le vide, il va traverser la première moitié du vide, et puis en fait on est dans un univers en expansion. Donc, quand il va arriver au centre du vide, l'univers, il s'est agrandi. Et donc, quand il va traverser l'autre moitié du vide, du coup, le bilan énergétique n'est pas exactement le même. Et du coup, il a perdu un petit peu de son photon, de son énergie. Oui. Et donc, du coup, le cold spot serait juste... En fait, ce serait pas un élément plus froid que ça sur le CMB, mais en fait, le fait qu'il ait rencontré un super vide sur son chemin fait qu'on a accentué sa déperdition d'énergie. Exactement. Très bien. Mais en fait, en 2017, il y a eu d'autres relevés qui ont fait à peu près, qui ont essayé de retrouver ce super vide. Ils l'ont retrouvé un petit peu plus petit et ils ont fait des études statistiques et ils montrent que ça peut pas expliquer ce cold spot. Et juste peut-être un dernier mot aujourd'hui. Est-ce que cette photographie des premiers instants de l'univers, celle qu'on peut avoir en tout cas la plus ancienne, elle nous donne des indices vraiment sur la structuration de l'univers? Est-ce que c'est léger point de sur et de sous-densité, on arrive à les extrapoler jusqu'au super vide et jusqu'aux amas de densité que l'on voit aujourd'hui? Non, mais par exemple, une preuve qui est flagrante, c'est il y a une corrélation angulaire dans le fond diffus cosmologique qui est 1 degré carré où on voit les pics acoustiques, donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un excès enfin tous les 1 degré, tous les 1 degré, il y a une corrélation, il y a deux excès de densité de matière. Et si on suppose que ces excès de surdensité de matière ont donné naissance aux galaxies, on s'attend à ce que dans la distribution des galaxies, dans nos relevés, on retrouve aussi un excès à une certaine distance. Et en fait, cet excès-là, on le voit parfaitement. C'est ce qu'on appelle le pic acoustique baryonique, qu'on appelle le BAO. Et donc, dans tous les relevés qu'on fait aujourd'hui depuis 10 ans, on mesure de plus en plus précisément ce pic acoustique, qui est une confirmation que, effectivement, les excès de surdensité de matière à l'époque du CMB ont bien donné naissance à ces structures. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, puisque nous parlons depuis le début de cette émission de vide de matière baryonique et de mouvement cosmologique, on va ajouter maintenant un élément supplémentaire au système pour complexifier encore un peu le tout, celui de l'énergie sombre, hein, puisqu'on parle de mouvement, on a évoqué le mouvement propre, mais il y a aussi le mouvement lié à l'expansion de l'univers. Cette énergie sombre, je vous le rappelle, qui est une énergie théorique, hein, qui représenterait jusqu'à 70% du contenu de l'univers. Bonjour Céline Dozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut d'astrophysique de Paris qui travaille sur le lien entre vide cosmique et énergie sombre. Oui, alors dans les sous-sols de l'IAP, on stocke des millions de milliards de données relatives aux amas de galaxies. Ces données proviennent des plus grands télescopes du monde qui observent l'univers profond. Guillaume Lavaux et son équipe utilisent ces données pour fabriquer des cartographies de filaments cosmiques et surtout pour étudier les régions vides. En fait, les vides cosmiques sont des outils pratiques pour sonder la gravitation. Comme ils contiennent très peu de matière, on suppose qu'il y a essentiellement de l'énergie noire. Alors ces zones seraient idéales pour tester les modèles de gravité modifiés et pourquoi pas pour trouver des alternatives à la relativité générale. Les vides cosmiques, en fait, sont des régions que l'on peut bien identifier relativement facilement et caractériser leur forme. Là, on a constaté que c'était un outil qui était très intéressant parce qu'il nous a permis de suivre un peu l'expansion en regardant les grandes structures. Alors, on a deux effets qui se conjuguent là. C'est qu'on a déjà, on voit leur déformation, donc due à l'expansion. Et on a la déformation des flots qui s'échappent des vides, qui vont être sensibles au contenu matériel et d'énergie sombre de ce vide-là et qui nous permettent aussi de sonder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, vous dites, on voit, mais pour bien comprendre comment vous arrivez à rendre compte de ces structures, c'est parce que vous travaillez sur la base de catalogues de millions de galaxies, d'amas de galaxies récoltés par le télescope, le Sloan Digital Sky Survey. Voilà, exactement. Donc, on a donc ces millions de galaxies. Donc, on a travaillé notamment avec le SDSS 2 et 3. On travaille avec des méthodes algorithmiques, donc sur des supercalculateurs, parce qu'évidemment, ça demande beaucoup de calculs, et ça demande beaucoup de simulations numériques aussi. Et ça s'appuie aussi sur des méthodes statistiques développées ici à droite et à gauche dans le monde. Donc, en fait, les données dont vous parliez sont hébergées ici, en partie? Alors, il y a des données qui sont hébergées ici, mais le SDSS3 est principalement hébergé aux États-Unis. Il y a beaucoup d'analyses qui sont encore faites ici, des réductions des simulations cosmologiques. Donc, certaines simulations prennent 200 téraoctets de stockage. Donc, pour donner une idée, en bas, donc je vais vous montrer, il y a de l'ordre de 2 pétaoctets de stockage en bas. Donc là, on entre dans le sous-sol. Où sont hébergés les data centers? Donc oui, ici on a les calculateurs qui constituent ce qu'on appelle la ferme horizon. Et ici il y a des stockages, donc il y a de l'ordre de 2 pétaoctets de stockage de simulation numérique qui servent notamment à tester tous ces problèmes de formation de galaxies, de fabriquer des catalogues virtuels pour tester les méthodes statistiques, les vides, etc. Donc on fait du développement et ensuite on fait beaucoup de programmation. Donc récemment, là, on a fait des achats aussi de nœuds de calcul qui sont équipés de GPU, donc de cartes graphiques, qui nous permettent de nous orienter aussi vers la direction de l'apprentissage automatique, apprentissage profond, de manière aussi à essayer d'automatiser la procédure au maximum, de manière déjà à enlever nos propres biais dans l'analyse des données. Et dire, OK, ben, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est avoir une réponse. C'est-à-dire, OK, voilà les données, voilà tous les modèles physiques que l'on connaît. Est-ce qu'il y a des anomalies qui surviennent? Est-ce que... C'est le seul travail aux machines. Voilà. Voilà. Travailler sur les anomalies qui ressortent voilà. De ce calcul-là. Voilà, exactement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir une cartographie à votre bureau. Oui, je peux vous montrer des cartographies en particulier qui ont été faites. Donc là, par exemple, on est devant une cartographie de plusieurs amas et on peut voir différentes régions de vide. Donc, en fait, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une représentation du 2M++, donc ce relevé qui est compilation de plusieurs relevés de 70 000 galaxies qui atteint de l'ordre de 150 à 200 mégaparsec. Donc, pour relever. Parsec, c'est environ un peu plus de 3 années-lumière. Donc là, on traite jusqu'à 600 millions d'années-lumière. Donc le vide du Bouvier est un peu plus loin que ça, il est à 100, entre 150 et 200 mégaparsec. Donc on le devine légèrement sur le côté, qui est en contraste vis-à-vis à la concentration de Chapelet. Donc ceux-là sont intéressants parce qu'ils sont proches et qu'on peut regarder un peu plus en détail les galaxies qu'ils composent, les propriétés, sondées vraiment profondément. Après, quand on regarde aux très grandes échelles, donc quand on va aller cette fois à redshift 1, donc c'est typiquement là les 3 milliards d'années-lumière, etc. À ce moment-là, c'est plus difficile de s'intéresser à un vide en particulier, sauf s'il est vraiment anormal. Par contre, les autres, c'est intéressant de les utiliser de manière collective. Il y a des effets qui apparaissent dans la température, mais il y a aussi des effets de l'entillage qui sont dus au vide, donc, qui déforment donc ce qu'on peut voir en arrière-plan. Ça apparaît dans ce cas-là comme des anti-lentilles, on va dire, parce que par rapport aux amas de galaxies qui sont surdenses, les vides vont tendance à les déconcentrer, donc vont apparaître moins lentillé par contraste. Et c'est intéressant parce que c'est aussi, encore une fois, une sonde complémentaire et directe de relativité générale et des structures qui sont présentes aux alentours de ces villes-là. C'est aussi ça l'objectif de vos travaux, c'est de poser des contraintes à la gravitation postulée par la relativité générale. Donc globalement, on cherche à pousser ce qu'on a trouvé et qui semble faire consensus. Malheureusement, les vides sont grands, donc ce qui fait qu'on a besoin aussi de très grands relevés en volume. Donc en ce moment, le SDSS3 était un peu à travailler à la limite. Maintenant, on va avoir des nouveaux relevés qui sont beaucoup plus grands. Donc il y a Dark Energy Survey qui est photométrique. Il y a DESI. DESI, c'est la contrepartie du Dark Energy Survey, mais avec la spectroscopie. Donc il va nous donner une vision tridimensionnelle. Il va y avoir Euclide, donc ça va être les grands défis dus à ces relevés-là et qu'on va essayer de faire avec les méthodes que l'on développe ici, qui sont très puissantes mais qui sont aussi très sensibles aux détails de comment on manipule les relevés. Donc on va devoir tester ces méthodes-là avec les simulations numériques, à la fois des relevés et des grandes structures. Voilà ce reportage du jour à l'Institut d'astrophysique de Paris. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Stéphanie Escoffier. Oui, l'équipe de l'IAP, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les vides et sur les amas de galaxies. C'est effectivement, même Guillaume, il avait travaillé sur un des algorithmes de qu'on appelle les Void Finder, c'est-à-dire les algorithmes qui recherchent les vides dans les distributions de galaxies. En fait, il y a plusieurs définitions de vide. Il y a par exemple la définition qu'on peut faire dans l'univers local où on a accès à un autre estimateur de distance. Donc du coup, on peut en déduire les vitesses. Donc du coup, on peut faire des zones de dépression où les objets s'en vont en fait, et ça fait des zones vides. Il y a d'autres algorithmes qui vont rechercher plutôt un mur de galaxies ou qui vont faire un accroissement d'une sphère et en cherchant des limites. Donc il y a beaucoup d'algorithmes et en fonction de la science qu'on veut faire, on va utiliser tel ou tel algorithme. Et sur le lien avec l'énergie sombre, quel est votre sentiment à vous personnellement, Stéphanie Escoffier? Oui, je travaille sur les vides cosmiques parce que je pense qu'ils sont c'est une sonde merveilleuse pour étudier notre univers, aussi bien la matière noire que l'énergie sombre. Les vides sont vraiment, enfin, comme on a toutes les tailles, on a les galaxies, mais c'est complémentaire aux galaxies parce qu'on a vraiment, on a des détails entre 10 et 100 mégaparsec. Donc ça, et en plus, comme l'a dit un petit peu Guilhem, on a très peu de matière dedans, donc du coup, on a une dynamique qui peut être un peu, on va être plus sensible à la dynamique de l'énergie sombre ou à une modification de la relativité générale. Votre sentiment, vos réactions, Daniel Pomared, à ce que vous venez d'entendre sur ce reportage? Alors, Guillaume Lavaux, on travaille avec lui dans le groupe et justement, on a plusieurs méthodes de reconstruction du champ de densité et du champ de vitesse. Et pour cet article du vide local, on a utilisé une méthode développée par Romain Graziani, qui était thésard avec Hélène Courtois à l'Université de Lyon et qui s'est inspiré d'une méthode développée par Guillaume, justement. Alors, si on continue à examiner un peu toutes ces questions liées au vide cosmique, on peut parler peut-être un peu aujourd'hui, justement, de la façon dont on peut les modéliser, puisque de facto, scruter le vide, c'est assez compliqué. Il y a notamment, Stéphanie Escoffier, plusieurs projets, notamment un projet de satellite européen prévu pour 2022, dont il a été déjà un peu question à l'émission, mais peut-être que vous pouvez nous en redire un mot. C'est le satellite européen Euclide. De quoi s'agit-il et comment est-ce que cet instrument va vous permettre, devrait nous permettre à la communauté scientifique d'en connaître mieux, de mieux scruter ces différents vides cosmiques? Oui, ben effectivement, en fait, tout le défi actuel, hein, c'est d'avoir une statistique suffisante, un nombre suffisant d'objets pour pouvoir définir ces vides et pouvoir apporter une approche statistique à ces vides. On peut aussi les étudier individuellement, bien sûr. Les relevés actuels, là, comme le Sun Digital Sky Survey, nous ont permis de relever 1 million de galaxies et définir 3 000 vides. La prochaine génération de relevés spectroscopiques, hein, c'est-à-dire qui nous permet vraiment de faire une cartographie tridimensionnelle de la distribution des galaxies dans l'univers, on passe à 40 millions et 50 millions de galaxies avec respectivement les sondages DESY et Euclide. Donc DESY, c'est le Dark Energy Spectroscopic Instrument qui va commencer là en 2020, qui est situé en Arizona et qui est international et qui va permettre de relever effectivement 40 millions de galaxies entre l'univers local et un redshift de 2, donc il y a 10 milliards d'années. Redshift de 2 encore, hein, plus le redshift est grand, plus on remonte aux origines de l'univers. Ouais. Et donc du coup on va pouvoir tester effectivement si les vides évoluent, s'il y a une évolution des vides, enfin, on va pouvoir aussi s'intéresser aux individus vides en tant que tels. Le relevé Euclide, c'est pour mi-2022, c'est un projet principalement européen, qui va être lancé dans l'espace et qui va permettre de relever aussi 50 millions de galaxies en spectroscopie, qui va aussi faire de l'imagerie, hein, avec 2 milliards de galaxies pour faire de ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel. Mm-hmm. Et donc là, on a un objet fabuleux pour aller tester l'énergie noire et la matière noire. L'antillage gravitationnel, hein, c'est quand des objets très très lourds font... Exactement, voilà. C'est un mirage, voilà, mirage gravitationnel. Dévie, voilà, c'est le mot que je cherchais décidément, la journée longue. Dévie les photons qui nous arrivent et qui produisent donc ces effets de l'antigravitationnel. Peut-être un mot, justement, Daniel Pomared, sur Euclide, mais il n'y a pas que Euclide. Il y a beaucoup aujourd'hui de sondages qui sont faits par différents types d'instruments, Sloan, DESY, le Cosmic Flow, hein, qui a permis. Alors nous, depuis 2016, on travaille avec le catalogue Cosmic Flow 3. Mmh. 18 000 galaxies. Mais là, cette année, on espère d'ici Noël prochain, on devrait avoir le release de Cosmic Flows 4, donc qui aura plusieurs nouvelles composantes. Alors, la composante la plus importante, c'est l'inclusion d'une dizaine de milliers de distances qui ont été acquises avec Arecibo, le grand radiotélescope qui se trouve à Porto Rico. Ah non, à Porto Rico, autant pour moi. Alors en Chine, c'est FAST, en fait. Au Chili, c'est ALMA. Ah, c'est ALMA, oui. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un radiotélescope, mm-hmm. Le radiotélescope d'Arecibo, et donc une dizaine de milliers de nouvelles mesures. Ça va permettre de compléter la couverture dans l'hémisphère nord, qui était un peu déficitaire dans Cosmic Flows 3, puisqu'il y avait énormément de données dans l'hémisphère sud. Alors, Hélène Courtois aussi et son équipe a eu un programme d'observation de plusieurs centaines de galaxies sur le télescope de Green Bank, le Green Bank Radio Telescope en Virginie Occidentale aux États-Unis. Et ça va nous apporter aussi des mesures de distance grâce à la méthodologie de la relation de Tully-Fisher dans une région de l'espace très très intéressante qui va nous permettre un peu d'approfondir cette question du dipôle repeller. Alors justement, entre le vide local et le dipôle repeller, aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments d'observation. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a des projections de leur évolution dans un environnement dynamique tel qu'il a été décrit par vos travaux et ceux d'Hélène Courtois? Alors nous, on regarde l'univers aujourd'hui, au temps présent. Et il en demeure pas moins qu'on y a une partie il existe une collaboration qui est associée à Cosmic Flows, qui s'appelle CLUS, Constrained Local Universe Simulation, qui cherche à reconstruire l'évolution, tout l'historique, l'archéologie, disons, de l'univers local. Donc à partir de contraintes, en fait, en utilisant les vitesses particulières des galaxies, on peut faire une approximation qui nous les fait remonter en arrière, et on peut utiliser ces points comme point de départ d'une simulation, et vérifier si on réussit à reconstruire l'univers local. Et ça répond à votre question de la dynamique, toute la dynamique est dedans. Sur cette modélisation aujourd'hui de l'univers, alors au sens large, dans le temps, en trois dimensions, en quatre dimensions, avec une dimension de temps, aujourd'hui, quel est justement l'apport des vides cosmiques dans cette compréhension un peu plus vaste, finalement, de cet environnement local? Qu'est-ce qui nous permet justement de comprendre du trajet qui a été effectué depuis ce fond diffus cosmologique jusqu'à l'état aujourd'hui que l'on est capable d'observer, Daniel Pomared? Ben, ça nous permet de répondre, enfin d'avoir des points de vue assez intéressants sur ce qu'on appelle la cosmographie, hein, la cartographie du cosmos. Alors, ce qu'a révélé notre étude, notre cartographie en trois dimensions, c'est que les vides ont des formes très complexes. Ils appartiennent à un réseau, en fait, un réseau interconnecté. Les vides sont interconnectés entre eux. Ça veut dire en quelque sorte des filaments de vide comme il y a des filaments de matière qui relient les différents amas. Dans l'émission du 24 décembre, vous parliez des filaments et donc du cosmic web, de la toile cosmique. Et en fait, les vides constituent une sorte d'anti-cosmic web avec des régions très, très profondes, très vides, qui sont connectées entre elles par des sortes de tubes, des couloirs, qui sont légèrement sous-denses, légèrement en dessous la valeur moyenne de la densité. Et dans notre article, on a non seulement étudié le vide local, mais on a aussi étudié les passages, les relations qui existent entre lui et deux grands vides voisins qui sont le vide d'Hercule, et qui fait à peu près 3 millions de mégaparsecs cubes, et le vide du sculpteur, donc dans l'hémisphère sud, dans le sud galactique, qui fait 2 millions de mégaparsecs cubes. Mmh. Donc on a une morphologie très complexe, un réseau interconnecté de vides. Alors, je sais que votre travail, votre approche est plus statistique, Stéphanie Escoffier, mais enfin, je veux dire, ces liens, ce réseau de vide en vide, c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez, que vous constatez, qui est un objet d'étude important ou intéressant? Pas du tout, me dites-vous, c'est une question complètement ratée. ce sont des choses qui arrivent parfois en direct à l'antenne, vous ne le croyez pas, et pourtant, c'est le cas. Non, alors peut-être un mot pour conclure, Stéphanie Escoffier, sur vos travaux à vous, aujourd'hui, dans quelle voie êtes-vous en train de travailler? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir justement comme information pour mieux comprendre ces différents vides cosmiques? Oui, donc moi, mon équipe, elle travaille en particulier, on a travaillé sur le test d'Alcock-Pazinski. Alors, il va falloir nous redire ce que c'est exactement. Ouais, exactement. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour expliquer. Vous avez, allez, 1 minute 30. Ah, super. c'est l'épreuve finale. Donc, du coup, on a besoin de beaucoup de vides, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, Alcock-Pazinski, c'est un test qui a été proposé en 79, et le principe est simple. On part du principe qu'on prend un objet qui est symétrique, et puis on va l'observer dans l'univers. Le problème, c'est que dans l'univers, quand on l'observe en redshift, et donc on a une vision de l'objet qui est déformée, elle n'est pas en distance. Et pour convertir cet objet en distance, on est obligé de supposer un modèle cosmologique. Donc on met une quantité d'énergie noire, de matière noire, et on va convertir les redshifts distance, et ça va nous permettre d'avoir un objet en distance. Le test d'Alcock-Pazinski dit simplement que si on part d'un objet qui est symétrique, une fois qu'on fait cette conversion en distance, on doit retrouver un objet symétrique. Et que si l'objet n'est plus symétrique, c'est que le modèle cosmologique qu'on a inséré n'est pas valable. Et donc c'est une façon de contraindre le modèle cosmologique et donc de déduire la quantité de matière noire et d'énergie noire. Et donc ça, l'idée, c'était de l'appliquer sur les vides. C'est ce qu'a proposé en 95 Barbara Ryden, la première qui l'a proposé. C'est une astronome astrophysicienne américaine. Et le problème en 95, c'est que les relevés n'étaient pas assez grands, et donc les vides n'étaient pas assez bien délimités par les galaxies, donc ils n'étaient pas assez bien définis, et donc c'était impossible de faire une étude de la forme du vide, de savoir s'il est sphérique ou pas. Et puis il y a le deuxième problème qui est plus fondamental, c'est qu'un vide n'a aucune raison d'être sphérique en fait. Et donc ce qui a été proposé en 2012, c'est de dire, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Par Labo et Van Dult, c'était de dire, maintenant, on commence à rentrer dans une phase de grand sondage de galaxies. Et donc, du coup, on a commencé à avoir beaucoup de vides. Et donc, si on est dans un univers homogène et isotrope, et qu'on met les vides les uns sur les autres, en moyenne, il n'y a pas de raison que les vides ne soient pas sphériques. Et donc, du coup, l'avènement des grands sondages de galaxies permettent d'appliquer certains tests cosmologiques statistiques, et donc de contraindre la quantité de matière noire et d'énergie noire dans l'univers. Merci beaucoup Stéphanie Escoffier, merci Daniel Pomared d'être venu nous parler de ces vides cosmiques. Vous pouvez retrouver cette émission et l'accompagner de plusieurs autres émissions dont on vous a posté les liens sur le fil Twitter de l'émission, le grand entretien avec Hélène Courtois autour de la Nyakea, l'émission proposée par Antoine Beauchamp l'hiver dernier autour du Cosmic Web et des filaments cosmiques, voilà, pour en savoir plus sur ces superstructures qui régissent notre univers. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbos, Céline Dozen, Eve Etienne, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Ludovic Auger à la technique. Demain, il sera question de téléportation quantique, un autre sujet sensible alors que la Chine bat des records de distance avec son satellite MISO et que des étudiants de Bristol ont réussi à faire de la téléportation d'informations quantiques entre deux puces de silicium. On repart du départ et on vous explique tout sur ce phénomène garanti sans une seule référence à Star Trek, promis juré. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.